rivière dans son bureau, éprouve cette détente que seuls permettent les grands désastres quand la fatalité délivre l'homme. Il a fait alerter la police de toute une province. Il ne peut plus rien, il faut attendre. Mais l'ordre doit régner, même dans la maison des morts. Rivière fait signe à Robineau. Télégramme pour les escales nord. Prévoyons un retard important du courrier de Patagonie. Pour ne pas retarder trop courrier d'Europe, bloquerons courrier de Patagonie avec le courrier d'Europe suivant. Allez, Robineau, allez, mon vieux. Et Robineau s'effraie de cette égalité devant des ombres.